Le goût de l'amour, l'odeur de la chance, le miracle du jour, celui de ta présence, autant de merveilles quand tu es près de moi. Rien n'est jamais pareil au fond de tes bras. Le goût de l'amour, le goût du silence, quand après l'amour, tu sais ce que je pense. C'est toujours du soleil que je vois dans tes yeux. Rien n'est jamais pareil quand on est amoureux. Le goût de l'amour, il est dans ton rire, il est dans tes gestes, dans notre avenir, il est dans mes... Que je t'aime, que j'ai peur de le dire. Le goût de l'amour, moi je l'ai sur mes lèvres. Dès que je t'approche, dès que je te respire, le goût de l'amour, c'est ta passion de vivre. Ma passion de t'aimer, mais la peur de le dire.